oyo ezabongo génération sensationnelle ndimami na nzambe Richard Ngombo de Paris na ebiango pourquoi pas ta moto de bazo kuté je nomme oyo ezalaka mbali ya somi ya tonda gentil ya petit amigo ignoré Sofia la tiki toko talani elegance Bote nzambi apesa ye Kitapa na yisukate Na lelini